Bienvenue sur SOS Radio. Aujourd'hui, on va accueillir Marc Chavez pour une interview exclusive. Avant, je vais présenter un petit peu toute l'équipe qui est présente aujourd'hui. Marie et Agus, à côté de moi. Salut Vincent, bon, je te laisse faire le. C'est la dernière fois que je te laisse faire l'intro. Bon, tant que je ne suis pas viré, c'est le principal. Hein. Alors, il y a Kevin et Sébastien sur le chat parce que Kevin a quelques petits problèmes encore avec son micro et Sébastien, et je crois que. Je vous écris Kevin, depuis le Pacifique. Ah, essaye de reparler. Ah, je disais, je vous écris depuis le Pacifique. Ah, c'est presque le mien. Ah, presque. En tout cas, je suis très heureux d'être de retour parmi vous après 6 ou 7 mois d'absence. Depuis avril, quoi, depuis WrestleMania. Exactement. J'ai fait des choses comme ça. J'ai fait aussi en cantine, j'ai fait chez la morue, là. Au moins, on vous montre pourquoi Kevin est absent, c'est la cause de son micro, parce qu'on n'a rien compris à ce qu'il a dit. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Je vais continuer d'écrire, ça sera beaucoup mieux. Et... voilà, t'as tout compris. Et allez, on va accueillir Marc Chavez avec nous. Eh ben bonjour messieurs, bonjour Guillaume, bonjour Vincent, bonjour Kevin et Sébastien dans le chat. Merci tout d'abord de me recevoir, c'est un grand plaisir de faire partie de cette édition de Wrestles Radio, en espérant pouvoir être à la hauteur. Oulala, grosse pression là. Il n'y a pas de raison. Alors on entend ta voix sur Eurosport, de temps en temps sur NT1. C'est ça, exactement. Bah, Eurosport, j'y travaille depuis 2001. Et au fil des années, j'ai eu la chance de faire quelques remplacements au compte-gouttes hein, sur NT1 notamment. C'est plutôt bien. Alors on va lancer un petit jingle, car cette fois-ci ça ne sera pas Broustic qui fera le montage, mais bel et bien Vincent. On fait un petit coucou à Broustic qui a beaucoup de problèmes personnels. Salut Broustic et Vincent, à toi le jingle. C'est parti. Allez, c'est parti, on va lancer cette interview de Marc Chavez. Alors Marc, donc comment es-tu arrivé chez Eurosport en fait? Eh ben écoute, l'histoire est très simple. J'étais journaliste radio en actu international dans les années 99-2000 du côté de Radio France. Et en fait, c'était tout à fait par hasard. J'avais eu la chance de couvrir le Tour de France en 2000 pour la radio à l'époque. Et je sais qu'à l'époque, on disait, enfin dans le milieu, il y avait des bruits de couloir comme quoi chez Eurosport, ils recrutaient des journalistes pour faire des bulletins d'information à l'époque. Donc j'ai postulé, j'ai fait quelques piges à l'essai et on m'a proposé un CDI très très vite dans la foulée en fait. Donc ça s'est fait naturellement. C'était début 2001. Oh là là, le temps passe vite. Ça fait déjà 11 ans. C'est ça. Ah, ça ne rajeunit pas, hein. Pas pour moi, non, en tout cas. Vos jingles à l'instant. à toi, Vincent. C'est une question. Oui. Depuis combien d'années vous êtes fan de catch? Alors, fan, en fait, un petit peu depuis toujours, j'ai envie de dire, je suivais le catch de très très loin, jusqu'à l'année 2005, qui a été en quelque sorte une année charnière pour moi, puisque je bossais à l'époque donc à Eurosport International, je commentais en anglais. Puisque l'anglais c'est ma langue maternelle, on a reçu donc les droits pour la TNA à l'époque. Donc à partir de ce moment-là, c'est passé un petit peu de quelque chose que je suivais de loin à quelque chose que je suis commencé à suivre de très très près parce que il fallait commenter toutes les semaines. On avait la TNA à faire en toutes les semaines. On avait d'autres fédérations également qui sont arrivées à peu près à cette époque sur Eurosport. On a eu l'UWFI. Du catch japonais. On a eu également la New Japan, que j'ai commenté une saison complète en 2007 en anglais intégralement tout seul. Donc à partir de ce moment-là, le catch a pris une place un peu plus importante, on va dire, déjà dans ma vie, et puis dans la façon de suivre une discipline. Parce que c'est vrai que quand on est un journaliste sportif, commentateur sportif, on commente un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est toujours un travail difficile d'être au courant de tout, au parfum de tout, de suivre toutes les évolutions de tout. Donc il y a des disciplines, on va dire, qu'on suit de près, puis d'autres qu'on suit d'un peu plus loin. Le catch, c'était plutôt une discipline que je suivais de loin. J'ai eu la chance j'ai vécu plusieurs années, presque plus d'une décennie aux États-Unis. Donc c'était toujours quelque chose qui faisait partie du quotidien, même si j'étais pas un féru comme Seigneur Varini, mon partenaire de crime, en quelque sorte, avec qui on commande depuis de nombreuses années déjà. Déjà en 2005, on faisait aussi l'UWFI ensemble sur la version française. La TNA à l'époque, je la commentais en anglais avec un britannique spécialiste, un peu un saignant britannique. Et lui, il a commenté en français à l'époque. Donc, on va dire, j'ai beaucoup appris à ses côtés en le côtoyant Il a été très généreux en partageant ses expériences et sa passion du catch. Donc ça a été un peu une contagion en fait. Il m'a un peu contaminé derrière. Et puis c'est toujours plus facile d'être accroché à un truc quand on le fait de manière professionnelle aussi. Donc ça, c'était par rapport à ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est sûr. Question sur les enregistrements. Est-ce qu'ils sont extrêmement différents comparé à Eurosport NT1? C'est différent. C'est le même style en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'Eurosport, on propose un magazine qui récapitule tout ce qui se passe à Raw, SmackDown. Et autrefois, on faisait NXT et Superstars. Mais bon, là, on fait plus que Raw et SmackDown. Donc, en gros, on a un 26 minutes pour raconter ce qui se passe en aujourd'hui, presque 5 heures d'antenne sur quand on les regarde en intégralité. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas. On va dire qu'on a l'essentiel de l'actualité de Raw et de SmackDown. On va dire l'intérêt de l'offre Eurosport, c'est de, pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps de tout suivre ou pas la volonté de regarder, je sais pas, tous les discours, toutes les promos des lutteurs. Et c'est aussi la Vintage Collection, en fin de compte, qui est le meilleur moment des années 80-90, souvent avec des thématiques associées soit au pay-per-view du moment. C'est-à-dire là, on arrive sur SummerSlam, donc ça va être les meilleurs matchs de l'été. Là, on sort de 4 semaines dédiées au Cruiserweight, donc c'était vraiment une façon de passer en revue la montée en puissance de la division lourd léger à la WWE. Et puis ce qui est fabuleux avec l'offre, c'est que la WWE aujourd'hui détient aussi le coffre de la WCW, de la ECW, donc on peut vraiment avoir accès aux meilleurs matchs de l'histoire. Et autrefois, on aurait pu être un petit peu, on se disait ouais, ils aiment bien tout contrôler, etc. Mais on se rend compte que via les Vintage Collection, ils sont très généreux dans le placement produit de la WCW. On parle souvent des Cruiserweight comme étant des athlètes d'exception. C'était d'abord à la WCW avant d'être à la division lourd léger, etc. Donc on laisse la place en fin de compte aux acteurs de l'histoire, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait louable de leur part, je trouve. Donc ça, c'est l'intérêt de l'offre Eurosport, c'est la vintage, et puis le petit résumé évidemment pour ceux qui n'ont pas le temps de tout regarder. Puis c'est aussi accès à un autre style de commentaire, c'est-à-dire que Christophe et Philippe, ils font leur métier depuis 12 ans, ils le font très très bien. Avec Célian, on a une autre façon de présenter le produit aussi, donc c'est aussi pourquoi pas pour le fan, voir un petit peu comment on peut faire autre que ce que font Christophe et Philippe, qui le font très très bien. Le produit est différent aussi. Je me rappelle, je t'avais connu sur l'époque où c'était la période des Royal Rumble. C'était le Royal Rumble 93 à l'époque qui était diffusé. Alors c'est vrai que la Vintage Collection, c'est un super programme, quoi. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vais rebondir sur les Cruiserweight. Il y a Kevin Nash qui a une semaine à peu près, qui a fait un peu la polémique parce qu'il a dit un peu sur Twitter que, en gros, les Cruiserweight, le business du catch était mort quand Eddie Guerrero et Chris Benoit ont remporté les titres de champion du monde de poids lourd à WrestleMania. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le catch est mort quand Kevin Nash est né. Oui, non, mais ça c'est nous. Qu'est-ce que tu penses de cet avis-là, que c'est à ce WrestleMania-là que, en fait, le catch est mort, d'après Kevin Nash? Je respecte beaucoup Kevin Nash tout d'abord. Je l'ai commenté à plusieurs reprises à l'époque à la TNA, etc. Même à l'époque de Diesel sur la Vintage. Mais je pense que quand on fait 2m13, évidemment, on a un avis qui va être un peu plus subjectif par rapport à qui on est, ce qu'on fait. Et sa vision du catch correspond peut-être à ce qu'on a dans les années 80, début des années 90 à la WWE, c'est-à-dire vraiment le côté ground and pound, l'homme de grande taille, très musclé, qui vient frapper son adversaire, le terrasser, etc. L'arrivée du cruiserweight aux États-Unis, ça s'est fait progressivement via la WCW, on le sait, mais ça existe déjà depuis des années dans d'autres pays. On peut penser au Mexique, où c'est une fédération qui existe depuis les années 30, ou la CMLL par exemple, où les gars voltigent, attirent l'arigot depuis des décennies. Au Japon, c'est pareil, on va miser sur un physique plus petit, plus percutant, plus impactant. Personnellement, si c'est mon avis qui vous intéresse, moi je suis très friand de tout ce qui est voltige. Je suis très friand de la lucha libre, j'aime beaucoup le strong style aussi, donc pour moi, non, ça n'a absolument pas tué le catch. Après, il y aura autant d'avis qu'il y a de personnes, donc il faut respecter l'avis de chacun. Je pense que pour Kevin Nash, c'est sûr, quand on fait 2m13 et qu'on est quand on est un mastodonte, on a plutôt envie que les gros balèzes, entre guillemets, soient reconnus plutôt que le petit rapide, que les Rey Mysterio et compagnie. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, tout a évolué, le business a évolué. C'est ce côté un petit peu business qui surprend toujours les gens. On oublie quelquefois de dire, voilà, derrière la passion du catch, il y a le plaisir bien sûr, mais il y a aussi ce côté business, et que l'industrie ira toujours vers ce qui marche. Donc s'il y a une demande, l'offre arrivera par la suite. On sait que Vince à l'époque était très anti-cruiserweight, c'était pas du tout sa conception. Et force est de constater qu'au fil des années, il a ouvert un petit peu des portes. Et voilà, c'est ce qui... Bah, ça a permis à un certain nombre d'autres superstars, eux aussi, de prendre, pourquoi pas, un brin de spotlight, c'est-à-dire un brin de lumière, d'exposition. D'ailleurs, tu dis que tu as commenté la TNA en 2005. Qu'est-ce que tu penses de son évolution déjà pour toi? Qu'est-ce que c'était la TNA en 2005? Si c'était bon ou si, enfin, quels étaient les points positifs en tout cas? Et qu'est-ce que tu penses de son évolution depuis 2005? Bah moi j'ai adoré la X Division, donc j'étais très fan, donc tout ce qui est rapide, Velos, Voltigeur et compagnie, donc c'était très sympa de voir vraiment des gars qui se donnaient à fond les ballons pour qui mettaient leur intégrité physique dans la balance pour la salle l'Impact Zone à Orlando. L'évolution de la TNA, laisse-moi réfléchir un petit instant. L'évolution de la TNA, bah, la grosse tournure, ça a été évidemment l'arrivée d'Hulk Hogan et le reroutage. Maintenant, sur l'évolution, sur les années où moi j'ai commenté, c'est-à-dire 2006-2008, je pense, c'était assez sur des rails en fin de compte. On récupérait progressivement les superstars de la WWE. J'ai vécu l'arrivée de Kurt Angle, la rivalité Kurt Angle-Samoa Joe de l'époque. Maintenant, je vais dire, la critique, elle est universelle, c'est peut-être que oui, faire plus de ce qu'on appelle des homegrown stars, c'est-à-dire vraiment cultiver le côté star de la TNA plus que de récupérer les anciennes gloires de la WWE, c'était peut-être ça qu'il aurait manqué à un moment donné. Donc après, là encore, je pense que c'est une industrie, c'est un business et que les décisions sont prises fondamentalement avec le combien ça coûte, combien ça rapporte et que malheureusement ça on peut rien y faire en particulier. Alors tu as commenté la TNA sur Eurosport Angleterre. Qu'est-ce qui change par rapport aux commentaires en français? Bah tous les termes, toutes les prises sont en anglais. Donc moi souvent on se moque un peu de moi en disant ouais, t'es le seul mec du monde qui appelle une roue un cartwheel. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu les prises d'origine en anglais. Quand je vois généralement les actions, bah très vite ça me vient en anglais à l'esprit. Donc soit j'ai la présence d'esprit ou la lucidité pour le traduire, soit tout de suite je rebondis dessus et je sors la prise en anglais, donc quelquefois ça donne des scènes assez rocambolesques en cabine de commentaires qui sont souvent off, où Célian va me regarder un peu genre, on est en France ici, attends, arrête-toi, enfin tu vois, c'est... Et donc c'est toujours assez amusant, mais les différences, ouais, c'est... J'ai envie de dire, la différence, elle est par rapport au travail aussi de Christophe et de Philippe sur ces 12 dernières années. C'est-à-dire qu'eux étant le duo phare de français, il y a comme une sorte d'habitude, d'accoutumance, on va dire, du téléspectateur, du consommateur français. Il s'attend à ce que, lorsqu'on commente le catch, il y ait un petit peu du Asjus et du Chéro. Sauf que les seuls qui peuvent faire du Asjus et du Chéro, bah, c'est eux. Et ils le font très bien, il n'y a aucun souci, ils sont rodés, ils sont, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc forcément, quand on est, on n'est pas des adversaires parce qu'on court pas dans la même catégorie, etc., mais, quand on fait autre chose, les gens quelquefois viennent nous voir et disent ah attendez ouais mais vous faites pas de blagues, vous cassez pas, Philippe il fait vachement de jeux de mots, vous êtes plutôt dans le commentaire sport, etc. Donc tout de suite on a un avis en disant ah ça, par rapport à ce que font Christophe et Philippe il y a un décalage. Mais après c'est peut-être voilà, il faudrait peut-être ouvrir un peu le débat en disant bah écoutez il y a plusieurs façons de faire, les duos ont une façon de fonctionner, Christophe et Philippe, bah, ça marche comme ça, Célian et Marc, c'est un peu différent, ce que fait Célian avec Greg sur la TNA actuellement, c'est encore autre chose, ce que Célian et Marc faisaient sur la CMLL, c'est encore différent, vous voyez ce que je veux dire, on peut s'adapter par rapport aux produits aussi, et on pourrait espérer en tout cas que les consommateurs, les téléspectateurs, les amis du catch, bah, soient un petit peu plus accueillants ou ouverts à l'idée que ça puisse être autre chose simplement que ce que font Philippe et Christophe, qui le font très bien, je précise. J'ai une petite question à mon temps. Oui, vas-y, si on ne comprend pas, je traduirai à la Nelson. on entend les termes consommateur, produit, et justement, tu nous parlais, Marc, du fait que les gens sont habitués au langage de Asjus et Chéro, le duo parfait. Est-ce que Eurosport met un petit peu la pression sur toi et sur Célian sur le fait de dire bah essayer de créer un petit peu quelque chose, de faire parler de vous pour que le produit marche mieux? Alors on entendait. Non, je rigole, je sais pas comment faire, mais Eurosport. T'as compris la question Vaguement, parce que ça coupait un petit peu. Il y avait, c'était est-ce qu'il y avait une volonté de la chaîne de faire un Asjus et Chérovis? Oui, en quelque sorte, de mettre un petit peu la pression sur vous pour essayer de faire parler de vous. Pas plus que ça. Non, on est assez libre dans ce qu'on fait. J'ai envie de dire, en fonction des années, en fonction de la place que le catch va occuper dans une grille de programmation, on va avoir plus ou moins de latitude. Bon, c'est pas un secret, en ce moment, bah, les programmateurs de toutes les chaînes considèrent que le catch n'est pas en perdition, mais est un peu en perte de vitesse, entre guillemets. On va dire qu'il y a eu, bah, comme on sait, depuis des années en France, il y a toujours c'est un peu en yo-yo, en dents de scie, ça monte, ça descend. Quand les chiffres sont très hauts, bah, on parle beaucoup de catch dans les bulletins d'information, le 13h, le 20h, souvent des histoires de gamins qui se cassent la gueule à l'école d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans une position avec, on n'a pas le vent en poupe comme on l'avait en 2009-2010, où il y avait une réelle volonté de mettre le catch plus en avant. À cette époque-là, j'ai eu la chance de faire une sorte de présentation en anglais de l'émission. On partait beaucoup en déplacement, c'était 4 voyages par an aux US, une dizaine en Europe, sur tous les shows pour faire interview, rencontrer les lutteurs, faire ce qu'on appelle des plateaux de lancement, donc une sorte de mise en scène avec, on m'a créé un costume avec un manteau noir, des lunettes noires, etc. Et je vais faire un lancement un peu dynamique avec, donc il y avait une volonté réelle de créer cette ambiance à cette époque-là. Au jour d'aujourd'hui, bah, comme on le disait un petit peu en off, c'était aujourd'hui, on est positionné plutôt sur Eurosport 2, on est moins poussé, on va dire, donc il y a moins la pression, il y a moins de directives pour faire des choses, pour faire du bruit ou créer le buzz. Mais on est assez libre en fait, c'est plutôt agréable d'ailleurs. D'accord, bon ben voilà, je peux retourner dans mon sous-marin. Alors moi j'ai une question d'hors base. Que penses-tu de l'arrivée de Tom Larufa et de Luca Di Leo à la WWE? D'ailleurs on en parlera dans le podcast de Tom Larufa et de Luca Di Leo. Bah, c'est fabuleux, je trouve que c'est très très bien. On attendait à ce moment depuis très longtemps l'arrivée de superstars françaises pour l'instant qui. Bah, on attendait, si on avait pu avoir ça il y a quelques années, j'ai envie de dire, bah, je pense que le catch à la télé française serait peut-être dans une meilleure posture. Mais non, c'est une très très bonne chose. Je pense que pour toute la communauté de fans français, évidemment, ça va créer de l'intérêt supplémentaire. Les gens vont suivre de plus en plus ce qui se passe. Et puis peut-être que même le cercle en dehors du catch, les infos gênés, les gens du général sont peut-être plus intrigués aussi en disant, ah bah tiens, il y a quand même des petits Frenchies qui ont réussi à percer là-bas, ou en tout cas à essayer de percer. Et bah écoute, on a hâte de les retrouver, on va dire, sur la plus grande scène de tout. Donc pas à cette manière, mais on a hâte de les retrouver déjà sur des. Un jour sur des SmackDown et compagnie, ça peut vite donner quelque chose de sympa. Ouais. D'ailleurs, Tom Larufa était l'invité de l'émission Les Extrémistes sur ma chaîne Sport Extrême. Où Célian avait préparé une émission spéciale catch. Avec brio. Avec brio. D'ailleurs, c'était vraiment une bonne émission. Elle est actuellement sur YouTube. Je vous mettrai les liens ça, d'ailleurs de cette émission. L'invité était aussi Joe Atlan. Il avait dit, il n'avait pas encore de contact apparemment avec la WWE. Quoi. Il parlait encore de la WS. Il a parlé vite fait de cette petite purge à la WWE au mois de novembre dernier. C'est apparemment, c'est arrivé d'un coup cette histoire avec la WWE. Donc c'était il n'y a pas très longtemps cette émission, c'est il y a à peine 2 mois. C'était assez récent en effet. Ouais, Célian a été un peu le chef d'orchestre. Il pilotait l'interview avec Joe et Tom. Pour les détails, ce qui se passait dans l'envers du décor, je peux pas vous dire plus expressément combien de temps ils étaient en pourparlers ou combien de temps il a fallu pour signer le deal. Mais je pense pas que ça soit fait en 2 jours. Je pense qu'un truc comme ça, ça se prépare, ça se discute, ça se fait. Enfin, c'est des réflexions de fond. On avait quand même quitté sa famille et compagnie pendant un certain temps. Enfin, bon, c'est des logistiques un peu plus importantes que simplement, tiens, est-ce que tu peux venir lundi et tu démarres 9h, quoi. Là, d'ailleurs, on avait contacté Tom pour une interview un peu comme on fait avec toi actuellement. Il nous avait répondu positivement, mais maintenant, c'est devenu le produit inaccessible à l'heure actuelle, quoi, parce qu'on sait même pas encore quel personnage il va jouer, qu'est-ce qu'il va faire sur l'avenir, quoi. Ouais, je pense qu'en temps voulu, il sera tout à fait disponible et disposé à faire ce qu'il faut pour avancer le French Stallion, les talents français. Donc je pense que c'est une question de temps, le temps qu'il prenne ses marques, ses repères. Et je pense qu'il répondra positivement à terme. Ouais. Mais Sébastien qui avait une question tout à l'heure, quand on parlait de TNA, est-ce que tu suis encore ce qui se fait à TNA aujourd'hui? Beaucoup moins depuis dernière que j'ai décroché à partir du 10-10-10, donc ça doit être Bound for Glory 2010. Tout ouais, d'accord, donc t'as abandonné l'idée avec Jeff Hardy qui s'est drogué contre Sting. J'ai suivi parce que Célian me raconte, me raconte un petit peu ce qui se passe, mais plus aussi attentivement qu'avant, ouais. Je suis pas du tout la TNA, j'ai regardé hier soir, il y a 2 jours le pay-per-view, parce que la carte était quand même assez intéressante. C'était plutôt un bon pay-per-view même. On en reparlera dans Impact Wrestles. Et voilà, on va passer à la deuxième question de Sébastien, qui est: est-ce que le public est différent entre Eurosport et NT1, car on a pu voir des critiques sur les forums lors des commentaires sur NT1 qui seraient trop techniques et pas assez second degré? Alors, je pense qu'évidemment, il y a une différence du téléspectateur. Eurosport, ça va être une chaîne de sport généraliste. Donc forcément, ceux qui viennent sont plus axés sport, avec peut-être plus de connaissances sportives, qui s'attendent à avoir plus de précision technique, etc. NT1, ça va être du très grand public. Ça a des avantages dans un sens comme dans l'autre. Sur NT1, je pense qu'il y a une certaine latitude. Par exemple, quand Christophe double Vicky Guerrero, prend une voix de fille. Quand il double Alberto Del Rio, il prend une voix un petit peu de Mexicain. Quand, voilà, il fait des personnages, des choses comme ça. Je pense que sur Eurosport, ça serait plus difficile de mettre ça en place parce que ça passerait moins bien probablement. Sur Eurosport, en tant que ça, tu rigoles, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tu te dis, attendez, c'est pas le bon logo en haut à droite de l'écran, là. On est sur Eurosport, donc c'est censé être un poil plus sérieux, même s'il n'y a pas de vérité vraie. C'est-à-dire, l'une comme l'autre, chaque chaîne a son produit, chaque chaîne a sa façon de faire. Je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le consommateur d'NT1, il vient écouter ce que font Christophe et Philippe. Ils viennent pour le produit sans doute, mais ils viennent écouter les blagues, ils viennent écouter les voix, ils viennent écouter tout ça. Donc c'est vrai que quand on arrive, ne serait-ce que pour remplacer l'un des deux, c'est très difficile parce que tout de suite on va vous dire attendez, vous avez pas fait la voix machin, ou t'as pas dit si quand il y a eu tel moment. Mais nous ce qu'on fait, c'est on fait plus du commentaire à l'américaine, c'est-à-dire plus un mode play by play. C'est même pas un système heel face, hein, c'est vraiment un système play by play color, c'est-à-dire vraiment le gars qui va décrire l'action et l'autre qui vient, en gros c'est moi qui vais faire le descriptif et plutôt Célian qui va faire la couleur, c'est-à-dire vraiment amener sa connaissance encyclopédique d'ailleurs, on peut le préciser, toute sa connaissance, non mais qui va distribuer un petit peu tout son savoir, son amour de la discipline et ça fonctionne comme un duo de plus de sport effectivement. Ouais. Maintenant au fil du temps, au début on le faisait très sport, au fil du temps on s'est aussi rendu compte que on était des mecs sympas, qu'on avait aussi un sens de l'humour et qu'on a pu explorer ça sur un certain nombre de produits. Maintenant ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le format là encore de l'émission sur Eurosport, This Week, 26 minutes, des résumés de match, donc en gros on a un lancement qui dit voilà ce qui se passe. On va avoir un match de 2-3 minutes pour résumer ce qui s'est passé, souvent clippé d'ailleurs, ou clippé ou segmenté. Donc on va avoir les 3 meilleures minutes d'un match qui peut en durer 12 ou 15. Après ça va être lancement, segment d'après, après ça va être une promo, et après c'est la fin de l'émission. Donc on n'a pas non plus la place pour s'installer dans un aller-retour. Donc ça va vraiment être des séquences très courtes en fait. Je sais pas si vous connaissez l'émission Bref, le truc qui est de 60 secondes là, ou 1 minute 20, c'est un peu ça l'idée. On a juste le temps de s'installer, dire bonjour, voilà, on plante le décor, et boum, c'est la fin du segment dédié au match. Donc on essaye de faire un peu on va pas dire du Philippe et du Christophe, pas du tout, mais on essaye de rajouter un peu plus que simplement faire du commentaire sportif. Au fil du temps, ça s'est fait naturellement, on a été plus vers du entertainment, parce que ça reste un divertissement sportif, comme on le sait tous, et non pas seulement un sport, c'est pas du baseball avec, des statistiques, des machins, c'est aussi évidemment une ambiance, une atmosphère, Célian est d'accord, moi je suis pas d'accord, donc au fur et à mesure, ça s'est un peu fait, où lui c'est un peu heelisé, moi je suis un peu facisé, mais pas vraiment, c'est pas aussi clear cut, c'est pas aussi segmenté, parce que le produit s'y prête beaucoup moins bien. Un peu plus sur la vintage, mais là encore, comme on est dans la DeLorean Eurosport, on passe d'une époque à l'autre, un match, on est en 94, deux secondes après, on est en 2003, avec un contexte qui est complètement différent, donc il faut déjà expliquer le contexte, rentrer dans le match, présenter les acteurs de l'époque, etc., pour des gens qui connaissent peut-être pas, ou etc., donc on n'a pas vraiment la place pour faire ce genre de travail. Ouais. Donc il y a un fan sur Facebook qui nous a posé plusieurs questions. Donc je vais retenir une ou deux. Donc il demande si pour vous Christophe Ajust et Philippe Chereau sont des références, ce qui représente pour vous. Et il y a aussi une question, comment vous avez découvert le catch, ça vous nous l'avez dit tout à l'heure. Mais il y a aussi quels sont vos moments de référence et quels sont vos catcheurs préférés. On va commencer par Christophe et Philippe. Je pense que ce sont ceux qui ont eu la chance, tout simplement, de se les pionniers. Donc en tant que pionnier, comme il n'y avait pas vraiment, il y avait des références dans les années 90 et avant, mais en tant que pionnier, on va dire, de la nouvelle génération de catch, ils ont eu la latitude de faire ce qu'ils voulaient avec le produit. Et naturellement, ils ont glissé vers un truc dans lequel ils sont très à l'aise, très très bons. Je crois que Christophe Henry le fait très très bien, Philippe en face aussi. Tous les deux ont de la répartie, tous les deux ont Christophe avec sa grande culture du catch, toute époque confondue, Philippe avec quelqu'un de très professionnel qui a le souci du détail. Et je pense que c'est vrai que l'association elle fonctionne très très bien. Maintenant, est-ce que ce sont des références pour moi personnellement? Je veux dire, voilà, je peux apprécier leur travail, mais sans m'en inspirer plus que ça, parce qu'on arrive tous avec un bagage différent. Je vais pas dire que je ne vais pas essayer de copier ni Philippe ni Christophe, c'est pas ça l'objectif. Ils ont leur style à eux, c'est très bien, ils ont leur patte. À moi de trouver ma propre patte avec le temps, avec Célian notamment, parce que c'est celui avec qui je fais le plus de travail. Donc c'est à Célian et moi de trouver une patte à nous, c'est pas forcément à Célian et moi d'émuler ce que font Christophe et Philippe. Je pense que Célian qui commente avec Grégory sur ma chaîne sport, la TNA, je pense qu'eux aussi, ils ont pris une autre orientation de se créer leur propre truc à eux. Alors peut-être qu'ils ont un petit peu engagé le côté divertissement plus aujourd'hui qu'ils ne l'auraient fait il y a quelques années, sans doute. Mais en tout cas, pour résumer, Christophe, Philippe, de grands professionnels. Est-ce que ce sont des références? Oui, parce que ce sont les pionniers, ce sont les créateurs. Mais est-ce que je vais forcément essayer de les émuler? Non. D'ailleurs, de mon expérience personnelle, j'ai eu la chance de commenter avec tous les commentateurs majeurs, on va dire, du catch des temps modernes. C'est-à-dire, j'ai commenté en solo avec Philippe, j'ai commenté en solo avec Christophe, et je commente en solo avec Célian. Et j'ai commenté aussi avec Grégory plusieurs fois, ce qui remplace Célian quelquefois sur Eurosport. Donc des expériences complètement différentes. C'est vrai qu'avec Philippe, on va être très dans le tempo, ça va être le rythme, ça va être très très puissant. Avec Christophe, ça va être peut-être plus dans un rôle similaire à ce que je peux faire avec Célian, c'est-à-dire moi dans l'action, lui plus dans le contexte. Et avec Célian, ça va être un mélange de tout cela, parce qu'on a des automatismes qui se créent au fil du temps. Et ça, je pense que c'est important de le dire pour les gens qui regardent pour une fois. Par exemple, si on fait un remplacement, ou même Sylvain quand il remplaçait et qu'il essayait de faire un petit peu du Christophe, c'est difficile, très difficile quand on arrive un peu en terrain inconnu. Déjà, il y a les locaux, les personnes, les gens qui travaillent dans l'endroit, etc. Il faut s'apprivoiser tout ça avant de pouvoir être qui on est à l'antenne, le personnage, le commentateur, on va dire. Donc c'est un vrai boulot. Il faut déjà passer outre toutes ces barrières, on va dire, physiques de la vraie vie. Et quand on essaie de copier quelqu'un, c'est toujours difficile parce que les gens sont habitués à la personne originale. Donc la copie, elle peut pas. Voilà, c'est comme un tableau, etc. On pourra jamais égaler l'original. Donc se mettre dans une position de copieur, c'est plus difficile. Moi perso, je me dis je fais mon truc. De toute façon, vous mettez quelqu'un derrière un microphone qui parle à 10 000 personnes, il y aura, je dis n'importe quoi, mais il y aura 5 000 qui vont aimer, 5 000 qui vont pas aimer. Donc vous allez beau faire ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui seront d'accord, des gens qui sont pas d'accord. Donc à la limite, c'est faut être en adéquation avec soi-même, faire son truc. Je tergiverse un petit peu, mais j'essaie de vous donner le maximum d'infos ou de choses qui me passent par la tête en même temps, ce qui fait que c'est un gros bordel. La deuxième partie de la question, c'était donc, c'était quoi? Il faut référence en termes de catcheur et aux moments les plus marquants. Le moment historique pour toi, ouais. Dans le catch et dans lutteur préféré. Quoi. D'ailleurs, j'ai oublié de citer le nom du fan, c'est Guillermo Guerrero. C'est ça. Salut à toi, jeune Padawan. Eh ben, moi, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que c'est vrai qu'après ayant vécu le catch en tant que professionnel du commentaire, ayant vu des milliers d'heures, on va dire, de bandes devant mes yeux, c'est-à-dire voilà, dans une cabine de 3 mètres carrés climatisée, c'est super dur de choisir un ou deux moments de référence. Maintenant, il y a quand même des trucs qui sortent, on va dire, plus marqué, quoi. Ouais, de l'ordinaire, ça va être des moments, un lockdown où j'ai un souvenir je crois que c'était AJ Styles qui était accroché en haut du bâtiment, mais genre par la structure métallique du toit, de la toiture, et qui s'est laissé tomber sur un lutteur qui était couché sur une table en haut de la cage, et qui a ensuite transpercé la cage pour tomber sur le tablier. C'était un peu, ça me faisait penser un peu au Rock Mankind. C'était des moments comme ça où quand on commande ça, il y a un peu l'humain qui prend le dessus sur le gars qui est en train de bosser, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, on est complètement Huawei, quoi. Et ça, c'est magique de pouvoir justement vivre des séquences comme ça. La promo de CM Punk aussi, c'était au mois de, c'était quand? C'était l'année dernière déjà? La promo de CM Punk, c'était au mois de juin. C'est ça. Le 27 juin. Déjà. Ouais, c'est des moments comme ça où là on se dit waouh, le gars, comme en anglais, on suspend disbelief, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné on se dit attendez, on sait que c'est un show et tout, puis à un moment donné on dit attends, c'est vraiment en train de se passer ça, on est vraiment en train d'entendre ce qu'il est en train de dire, et à ce moment-là on a des petits frissons dans la colonne vertébrale, on se dit waouh et tout ça, et j'ai eu la chance de le doubler aussi sur cette séquence sur Eurosport, et c'est vrai que on se dit, ouais, on, quelque part, on fait partie du, on va dire, de l'histoire, entre guillemets, de la discipline télévisuelle. C'est-à-dire qu'on, grâce à notre façon d'interpréter le truc, eh ben, on va essayer justement d'être le vecteur de l'émotion entre ce qu'on vit à l'écran et de celui qui regarde le produit. Donc ça, c'est toujours très riche et très émouvant. Maintenant, en moment fort, je veux dire, l'arrivée de Kurt Angle, c'est un truc de folie. Je me souviens de son arrivée à la TNA, cette rivalité avec Samoa Joe très vite. C'était très très grand, ils avaient fait un build-up exceptionnel pendant des semaines, des mois même, le seul athlète champion d'or olympique qui débarque en lutte professionnelle, etc., qui arrive à la TNA, il y a eu donc ouais, des moments comme ça. Après, il y a eu aussi des moments magiques en CMLL qu'on a fait avec Célian. Il y avait le premier match qu'on a commenté de Mystico, là c'était moi qui suis fan de la voltige et du high flying, c'est vrai que c'est monstrueux, quoi. On est très très vite. On a été dans un style de commentaire qu'on avait rarement fait avant, c'est-à-dire très très très enjoué, très jovial, et très vite ça coulait de source parce que le produit convenait à notre façon de faire. Et les matchs de Mystico, Los Perros del Mal, enfin les équipes Lucha Libre, CMLL, c'est vrai que c'était grandiose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Il y avait pas mal de trucs au Japon aussi. Alors, à l'époque de la New Japan en 2007, moi j'étais très fan d'un personnage un peu obscur non, mais comment il s'appelait? Il y avait Kendo Kashin que j'aimais beaucoup aussi. Maintenant, des moments précis avec des titres, des ceintures, etc. Moi je suis plus dans l'émotion, c'est-à-dire ça va être une séquence qui va me produire un effet et je vais me souvenir de la sensation, mais pas forcément du moment précis, malheureusement. D'accord. D'ailleurs, en parlant de... Enfin, quand tu dis que tu doublais CM Punk tout à l'heure, comment tu prépares l'enregistrement? Tu prévisionnes le show? Tu prépares avec les techniciens? Il y a un temps de préparation? Ou bien tu te laisses surprendre par les résultats et tu connais pas ce qui se passe quand tu commentes? Bah, nous, comme on est sûr du résumé, c'est plus dur d'être... de pas connaître les résultats avant. Par exemple, quand t'es sur NT1, par exemple. À NT1, on arrive un peu comme ça, on découvre. On est en découverte... découverte pure. On a quelques infos qu'on a pu glaner à droite à gauche, mais on n'est pas vraiment équipé pour faire le show. On n'a pas de script avec les traductions ou de choses comme ça. C'est vraiment tout à la volée. Et on va dire ça se tisse et on tisse une toile naturellement. Ça se fait de fil en aiguille, minute après minute, avec la personne avec qui on va être. Et ben on raconte une histoire. Mais il n'y a pas vraiment de... Bon, après, chacun est différent. Je ne sais pas comment on prépare, se prépare Christophe ou Philippe. Pour ma part, ça va être peut-être quelques infos qu'il faut... Voilà, des trames d'histoire. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater. Donc, on va essayer de clouter un peu les trames essentielles. Pour le reste, ça reste un... Je ne vais pas dire une impro totale, mais ça reste un travail à deux de raconter une histoire. Ouais, c'est un peu comme à l'époque, on se mettait autour du feu, il y avait un storyteller, quelqu'un qui racontait une histoire à la petite assemblée autour du feu. C'est un peu la même idée, c'est la traduction du narrateur, du conteur, c'est un peu ça, c'est comme ça qu'on le vit, ouais. Peut-être une question de Sébastien sur le chat. Quel lutteur tu as déjà eu la chance d'en rencontrer? Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un lutteur ou... Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'en ai rencontré pas mal. Pendant 2 ans, donc je faisais le guignol avec un manteau noir et des lunettes noires. Et du coup, on tournait beaucoup, on a été pas mal sur pas mal d'événements, on a fait tous les WrestleMania depuis 25, j'étais sur place, et pas mal d'interviews aussi, au passage. L'interview qui m'a peut-être le plus marqué, ça devait être, c'était Bret Hart, 2010 à Phoenix, Arizona WrestleMania 26. J'ai eu la chance de l'avoir quelques minutes. Il était juste parce que c'est un sacré dessinateur aussi, hein, comme il raconte d'ailleurs dans son livre. Mais il fait des dessins qu'il vend après aux enchères pour des œuvres caritatives et tout. Il y avait une grande soirée pour les œuvres caritatives et Bret était là. Et donc il nous a accordé une interview. Et c'est vrai que se retrouver face à cette légende, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, toutes ses épreuves et à quelques jours aussi du règlement de compte où il met une sacrée rouste à Vince derrière, c'était assez magique, très émouvant, ouais, de voir l'excellence de l'exécution en face de soi et de passer quelques minutes avec lui qui était le mec le plus à l'aise du monde, tranquille. Et là, c'était peut-être une des rares fois où j'étais vraiment intimidé presque par le personnage. Non, sinon j'ai eu la chance de passer du temps avec Edge, Sheamus, McIntyre. J'ai eu John Cena aussi plusieurs fois, très professionnel, Vincent, très incroyable. Vincent a eu la chance de Cody Rhodes. Cody Rhodes, ouais, aussi, ouais. Moi, il y a quelques mois, ouais. Ah ouais, bien. Ouais, très sympa d'ailleurs. Ouais, il était en France là au mois de pendant Roland Garros là. Il était passé ouais, c'est à ce moment-là. Ouais. Ah, Justin Chéreau l'avait interviewé pour le groupe AP1 et nous on avait eu la chance de l'interviewer pour un site de jeux vidéo. Ouais, Cody Rhodes, je l'avais eu 2-3 fois aussi, ouais. Très très bon client, très très pro, très très à l'aise. Je l'avais eu à l'époque de son personnage de Dashing. Donc on avait fait un petit truc sur les conseils pour les mecs qui veulent draguer des filles et tout ça. Donc il avait bien, sur un top 5, il y avait des séquences qu'il préparait à l'époque où il fallait pour être Dashing, il fallait se brosser les dents, pour numéro 4, il fallait se raser de très très près, numéro 3. Enfin bon, il l'a fait c'était très cool. Très sympa. On l'avait eu à l'époque de la Legacy aussi, on avait fait un petit jeu d'ailleurs justement entre Ted et Cody. C'était à Lyon d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit DiBiase, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bah à l'époque c'était justement enfin, sur quel était le lutteur qui allait prendre la lumière avant l'autre en fin de compte, parce qu'on savait tous que la Legacy. Je l'ai vu en plus ça. Ouais. Il me semble que je l'ai vu cette interview. C'était sous le format d'un jeu, donc en fait je posais des questions, qui connaît mieux l'autre, donc on marquait des points, etc. Et à la fin je sais même plus qui a gagné, c'était match nul, je sais plus. Et, en fait, c'était bon, bah, pour que les uns racontent des anecdotes sur l'autre. C'était des questions des fois simples, des fois un peu plus ouvertes. Genre, quel était le premier combat que vous avez eu à la WWE Donc, question à Cody, c'était quel était le premier combat de Ted à la WWE. Donc, il devait, je sais plus, oh là là, machin. Puis, après, des questions plus ouvertes, genre, qu'est-ce que tu penses de, je veux dire, à la fin dans le monde, enfin, des trucs comme ça, pour qu'ils puissent raconter un peu leur façon de voir les choses. Et qu'on puisse découvrir plus du mental de ces deux lutteurs. Il y a des lutteurs qui sont moins bons clients. Est-ce qu'il y a des lutteurs qui sont moins bons clients? Ouais. Bah, je pense que fondamentalement, à ce niveau-là, ils sont tous bons clients. Maintenant, il y a des bons jours et des mauvais jours. C'est-à-dire, si un mec est fatigué, il est en décalage horaire, forcément, il arrive devant vous, on sent qu'il est un peu obligé d'être là, entre guillemets, et que des fois, c'est plus dur d'aller le chercher, ouais. Ça va être sûr. J'ai un souvenir, là, j'ai fait CM Punk 3 fois. Première fois, c'était Bercy 2009. La première fois, il était visiblement crevé. Il me l'a dit avant le truc. Mais, écoute, je suis naze. On fait au plus vite et tout ça. Seul problème, c'était que c'était le plus gros client qu'on avait sur cette tournée-là. Donc, j'avais prévu un gros truc, machin. Donc, je voyais que les réponses c'était du 4-5 mots. Je suis content d'être là. La France est super. Ouais, les fans, machin. Non, mais très pro, hein. Mais c'était simplement pas ce à quoi on s'attendait en tant que. Et d'ailleurs il s'en est souvenu parce que je l'ai revu à Düsseldorf quelques mois après pour la tournée européenne et il m'a dit putain je suis désolé pour Paris, j'étais vraiment KO, là on va faire un truc top et tout ça, il m'a sorti genre 22 minutes avec des réponses d'une trente, enfin vraiment des trucs parfaits, donc ça a été, je pense c'est pas qu'il y ait des mauvais clients, c'est simplement qu'il y a des jours plus difficiles pour parce qu'il y a tous les déplacements, le rythme, etc. J'ai un souvenir aussi d'Istanbul, j'ai eu la chance d'avoir Rey Mysterio, donc ça c'était un des très très gros clients que j'avais eu durant ces 2 années dans ce job de présentateur. Et Mysterio, client parfait, etc. Et c'était une tournée, je crois, ils faisaient 14 jours d'affilée, ils avaient tourné dans plusieurs pays, etc. Donc ils étaient en fin de tournée, donc ils étaient complètement HS. Et malgré cela, Mysterio avait été d'une générosité incroyable. Et c'était, je crois, à un jour près le 5e anniversaire de la mort d'Eddie Guerrero. Donc on avait pu. Il m'avait même laissé poser la question qu'est-ce que ça te fait, etc. Donc il avait pu faire un dernier hommage et tout. Non, c'était un beau moment, quoi. Il y a des trucs vraiment forts comme ça. Ouais. Je rends l'antenne. Alors, il a dit je rends l'antenne. Je sais pas, il me semble. Oui, c'est exact. Je rends l'antenne. Non, c'est lui qui rend l'antenne. Je sais pas pourquoi. J'ai une dernière question. Je pense qu'après on pourra s'arrêter là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ok. Alors, est-ce que tu lis les forums de catch de temps en temps? Si oui, lesquels? Et sinon, à mon avis, c'est que t'as pas le temps. Ça m'arrive de les parcourir, okay. Ouais. Je regardais beaucoup plus il y a 2-3 ans. J'ai dû faire. J'ai un petit bookmark avec les 4-5 forums qu'on m'a indiqué. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait. À l'époque, il y avait Iron WrestleFest, il y avait le jeu vidéo. J'ai Ultimate Catch. J'ai quoi d'autre? Avant, il y avait les forums d'NT1, il y avait Wrestles.fr. Ah, c'est nous, ça. Ah, c'est vous, ça? Ça, c'est nous. Ah, bah, Wrestles.fr, Wrestles Radio, bah voilà. Je l'avais en bookmark. Mais non, pas plus que ça, non. Je regarde vite fait quand on me dit, attends, va voir, on se fout de ta gueule, ou viens voir, on te traite de gros nuls et tout ça. Donc là, je regarde un peu pour rigoler, mais non, sinon c'est. Ça doit être rigolo, ça, tous ces tirages sur internet qui insultent à force, ça doit être rigolo. Ah, t'en fais à force, tu dois en rigoler, quoi, ça te passe par-dessus la tête. Bah, il vaut mieux que ça te passe par-dessus la tête, sinon tu vas te dire... En plus, t'es déjà très grand, donc ça te passe, va vraiment passer très haut, donc... Non, mais c'est sympa, c'est-à-dire que moi, je trouve que toute réaction est bonne à prendre. Que un mec qui vient te dire, t'es une grosse merde, t'es nul, moi je préfère ça qu'un mec qui dise rien, tu vois. Donc, à partir de là, c'est vrai... Franc, quoi. Il dit ce qu'il pense. Bah, après, on dit toujours, toute pub est bonne, qu'elle soit mauvaise ou positive. Non, perso, ça fait... Ouais, ça va pas me toucher intérieurement, voilà, après, c'est... Ah, mais il y a beaucoup de gens en fait qui mystifient, enfin qui pensent que c'est facile de commenter, c'est ça le truc. Ça c'est très drôle. Mais ah, putain, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Et quand il y a quelques mecs qui insistent, etc. Donc tu les invites, tu leur montres un peu comment ça marche, et tu dis bah tiens, fais 5 minutes. Et là tu vois et puis devant le ring, il y a un lutteur qui arrive, et puis il sort des trucs. Ah ouais, il pose le casque. Ah ouais, quand même, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai une question en rapport avec ça de Raph qui dit est-ce que c'est aussi simple qu'on nous dit de commenter un match que de voir un show en entier de catch? Et la réponse est apparemment non, quoi. Bah, c'est pas si après, simple que ça. C'est pas impossible. C'est un boulot, ça s'apprend, ça se fait. Je pense que voilà la réponse simple, c'est beaucoup plus dur que ce que les gens imaginent. Ouais. Maintenant, c'est un métier. Moi, je fais ça depuis. Enfin, je suis commentateur sportif depuis 12 ans. Donc, je veux pas te dire que j'ai beaucoup de difficultés. Je pense pas avoir des difficultés majeures à commenter un événement. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui a jamais fait ou c'est la première fois, il y a toujours un temps de rodage, c'est clair. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est qu'une histoire de répétition. C'est-à-dire, c'est comme un athlète qui fait de la course à pied, s'il court tous les jours, il va être meilleur qu'un mec qui court une fois par mois. Ou bien un gars qui fait de l'haltéro en club, suivi par un personal trainer, il va être meilleur qu'un gars qui fait 4 pompes chez lui et 3 coups d'haltère. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un gars qui est sur le net, qui regarde, YouTube et qui se fait son commentaire au casque chez lui, il le fait une fois dans l'année, il va pas forcément progresser autant qu'un gars qui fait 10 heures par semaine professionnellement de boulot. Mais est-ce que c'est dur? C'est un savoir-faire qui se développe. Ouais. Avec Kevin, on a déjà fait un ou deux commentaires de match par Skype. On avait fait un show de Raw en entier, ou de SmackDown, je sais plus. Ouais, on avait commenté le HBK Y2J de WrestleMania 19. Il me semble, c'est ça, WrestleMania 19. Et c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué de commenter des matchs, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Ouais, c'est pas simple, on se dit, surtout quand on est fan, on connaît un peu les histoires, on a des infos sur les mecs, tout ça, c'est bien. Et après, c'est comment est-ce qu'on assemble tout ça pour en faire un flux cohérent d'informations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte l'histoire. Et ça paraît pas, mais il y a quand même une structure, il y a une façon de faire, il y a deux bonhommes à gérer, il y en a un qui va faire plus ci, l'autre plus ça, il faut rebondir par rapport à ce que dit l'autre. Et puis c'est vrai que quelquefois on a des moments assez magiques, c'est-à-dire on se dit waouh, et des fois avec Célian on va commenter un truc, je sais que je vais finir une phrase, il est déjà parti sur autre chose, et dès qu'il finit je rebondis, enfin il y a une sorte de ping-pong naturel qui se fait, et il y a des moments comme ça où on frise la magie, c'est-à-dire on se dit mais comment c'est possible d'avoir ces automatismes, ces façons de réagir, de rebondir. C'est l'habitude. Nous, on avait été d'ailleurs dépassés par les événements, parce que sur ce match-là entre HBK et Y2J, ce qui nous a déplu, c'était peut-être la fin, parce que ça s'était fini en roll-up, et on n'avait pas su bien le gérer, ce passage-là, parce qu'on s'y attendait pas du tout à ce que ça se finisse en roll-up, quoi. On n'avait pas vu le match avant de faire le... On l'avait fait dans les conditions du direct et c'est vrai qu'on s'était un peu laissé dépasser par l'événement, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on court après pour essayer de rattraper. Ah, ouais, puis c'est l'instant T. Une fois que l'instant est passé, il est passé à jamais. Hein, c'est fini, quoi. Donc, faut pas se récupérer. En parlant de ce match-là, je vais essayer de l'uploader sur YouTube. J'espère que la WWE ne va pas nous la supprimer. Écoute, bonne chance, hein, Gus. Tu connais mes problèmes avec YouTube pour l'instant catch. Parce qu'avec... Nous, on aurait qu'un seul match quand on avait 86. Ouais, non, peut-être pas 86 non plus, mais avec Bossy, on essayait de commenter sur YouTube, quand on voulait l'uploader, ça passait pas, donc c'est pour ça qu'on est sur Dailymotion, mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi, donc après, c'est tout un travail aussi, puis je pense aussi que le travail est pas le même quand tu commentes qu'un match, ou quand tu commentes un show complet. Par exemple, sur un show complet, t'as le temps d'expliquer l'histoire entre deux catcheurs si t'as pas eu le temps durant le match, s'il y a un petit moment de pause, alors qu'un match... un match coupé, va falloir tout expliquer en l'espace de 10 minutes, quoi. D'ailleurs, Vincent, il anime une émission, Oui, c'est ça, c'est une émission, Vincent. Hein. Non, c'est un catch, c'est où il commente le, pour lui ce qui semble être le meilleur match du, d'un pay-per-view ou d'un ancien pay-per-view. Enfin, il commente des bons matchs, quoi. Ouais, et il choisit, il sélectionne comme ça les matchs qui lui ont. Comment il fait pour sélectionner? C'est juste des matchs qui l'ont inspiré pendant le PPV? Oui, je vois, généralement c'est comme ça. Bah, après, on essaie de pas faire tout le temps les mêmes matchs parce que bon, CM Punk, généralement, ces derniers temps, pay-per-view, c'est très bon, donc on essaye pas de faire des matchs CM Punk à chaque fois. Mais par exemple, je pense que là, pour SummerSlam, on va faire Lesnar contre Triple H, quoi. Comme c'est un gros match attendu et ouais, que ouais. C'est pas. C'est, on n'a pas encore fait de match de Lesnar, donc je pense que... Je te propose aussi de faire le ladder match de Hardcore Justice, qui est vraiment excellent. Bah, je l'ai pas encore vu, donc après, je pense que je ferai ça avec MP, le Canadien, parce que, bon, Boussy, en ce moment, il est pas très disponible, mais... Je serai dispo, si tu veux. Ouais, on verra ça. Moi, donc, storming de Stan Catch en plein direct, ouais. Dans la salle, je sais, c'est énorme. Donc si vous voulez... On parlait de moments forts aussi, les moments forts, etc. J'ai répondu un peu light, mais c'est vrai que ça m'est revenu là depuis. Moi, j'ai eu la chance d'être à Houston pour Mania 25, et c'est vrai que le Taker Michaels numéro 1, assez grand moment, ouais. Assez grand moment, avec ce stade, c'était la Reliance Stadium de Houston, 80 000 personnes, les entrées étaient, c'était sensationnel, l'Undertaker qui arrivait en dessous, le Taker qui arrivait, Michaels qui arrivait d'au-dessus avec tout de blanc vêtu, l'autre était tout noir vêtu, c'était assez magique, ça c'était un grand moment. Et c'est vrai qu'il y a des trucs forts, c'est Batista aussi au lendemain de WrestleMania 25 qui fait son retour à Raw, c'était la foule en délire, à peu près l'équivalent en termes de décibels que le retour de Brock après Mania cette année. Des moments comme ça, c'est assez incroyable. Je me souviens de SummerSlam 2010 aussi, c'était avec Nexus contre Team WWE. Nexus contre Team WWE, ouais. Ça aussi, combat, c'était... le retour de Brian, c'était quelque chose. C'est ça. Donc ça aussi, je m'en souviens. C'est ça mon problème. Moi, j'ai un cerveau assez atypique. Hein. Je peux sortir d'une cabine, on va dire qui a gagné. Je sais plus. Je viens de passer 3 heures devant un machin et c'est quoi le score? Je sais plus. Et donc, c'est vrai que quelquefois, ça fonctionne à retardement. Mais bon. Tiens, d'ailleurs, voilà. Pendant les mails, en parlant de commentaires, ouais. Une dernière question, on va dire ce que tu commentes sur Eurosport parce que t'es vraiment multitâche, quoi. T'es le touche à tout, on va dire ça comme ça, ou c'est tout le monde qui touche à tout sur Eurosport? Bah, beaucoup de gens font plusieurs choses. Maintenant, je suis pas si polyvalent peut-être, mais je suis pas tant. C'est souvent des disciplines qui se ressemblent ou qui sont dans la même famille. Je m'explique. On va dire sport américain par exemple. Par ma connaissance de la culture nord-américaine, j'ai des facilités pour faire le baseball, le foot US, le hockey sur glace, des choses comme ça. Donc ça rentre un peu dans la famille des sports US. Après le sport divertissement, j'ai la chance de faire le catch depuis plusieurs années. Donc tout ce qui va être un peu à la lisière du sport divertissement, c'est-à-dire homme le plus fort du monde, le bûcheronnage de compétition, le bras de fer, enfin toutes ces disciplines-là, ça va tomber un peu dans mon escarcelle aussi. Donc après je vais avoir plusieurs grandes familles de commentaires. Tu me verras jamais sur du foot par exemple ou du Tour de France. Tour de France, c'est un peu différent parce que j'avais au départ un passé dans le cyclisme. J'ai beaucoup suivi le cyclisme dans les années 2000. Et comme je te disais, je l'avais couvert pour la radio sur place, donc j'ai été sur le Tour et tout ça. Et donc le cyclisme c'est l'exception. Ouais. C'est un peu la discipline qui sort du lot. Ouais. D'accord. Et je commente pas vraiment intégralement les courses. Hein. C'était une participation aux commentaires, mais c'était pas non plus le. Je n'étais pas du tout commentateur principal, loin de là. Ouais. Et une dernière question, tu étais sur les JO là, pendant 2 semaines? Pas à Londres, mais j'ai... Oui, tu couvrais les JO quoi. Bah, on bosse tous un peu sur les... Alors couvrir les JO, ça veut tout dire et rien dire. Mais en fait, on est tous un peu plus ou moins impliqués sur les infos. Tant de tel jour, tu faisais des résumés des événements, des choses comme ça. Ouais. Mais j'avais été sur les Jeux d'hiver de Vancouver par contre, pour le hockey sur glace. Ouais. D'accord. Parce qu'on devait se voir, devait faire une petite réunion de pas très longtemps, de voir 5-10 minutes vendredi soir. Oui. Et j'ai reçu un mail une demi-heure avant de Marc me disant qu'il devait couvrir les JO. Qu'il était appelé pour les JO, donc j'ai fait c'est un peu classe quand même. J'ai regardé après à l'heure où t'es passé, c'était sur un coup de voix off, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que ça devait être à 23h, et en fait ça a été avancé. Donc, je crois qu'au départ, on devait prendre l'antenne à 23h et ça a été avancé à 19h40 ou un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Un truc comme ça, ce qui fait que, il a fallu un peu accélérer le pas pour finir les choses à temps. Mais c'était là encore que sur des sujets de résumé de telle médaille française. Je sais plus, je crois que c'était une preview de l'athlétisme du soir. Attention, regarde. Ouais, c'était quelque chose avec Laurie Tillman. Ah oui, c'est ça, ouais. Tous à Londres, alors. Ouais, c'est ça. Ouais, tous voilà. À Londres. Exactement. Ben écoutez, on va pouvoir passer aux promos. Alors, ben Marc, si t'as une promo à faire pour Eurosport ou NT1, ou bah, tes projets personnels. Promo, j'ai envie de dire, bah, écoutez, merci de m'avoir reçu. Je trouve que voilà, un big up à Wrestles Radio, c'est le podcast qu'il faut, qu'il vous faut, tout simplement. Voilà, je crois qu'on peut le faire. On peut applaudir. J'applaudis moi chez moi. Voilà, bravo. Bravo à Wrestles. La fine équipe. Non, mais c'était très sympa de partager ce moment avec vous. C'est vrai que la prochaine fois, si je récupérais les questions un peu en amont, je pourrais vous préparer les réponses peut-être plus intelligentes ou intelligibles. Mais non, en tout cas, ce qui est super, c'est de pouvoir vivre du métier qu'on aime faire et de faire ce qu'on aime pour vivre. C'est ça qui est fabuleux. J'ai la chance de pouvoir le faire et d'exercer dans le catch, dans le sport divertissement. C'est un régal. Et la promo, j'ai envie de dire, bah, venez nous écouter. Venez sur Eurosport, Eurosport 2 actuellement, bien sûr. Écoutez, Marc Chavez, Célian Barigny. L'autre duo, on va dire, français. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. Venez essayer, voilà. On peut rester ouvert, on peut être cool, on peut apprécier et admirer Philippe et Christophe, mais on peut aussi se dire, bah tiens, il y a aussi une autre façon de faire qui est différente et l'accepter aussi. Je vois pas pourquoi on peut pas cohabiter, voilà, tous ensemble. Mais non, sinon venez me dire un petit bonjour sur Twitter. Dites-moi que je suis une merde. Dites-moi que je suis fabuleux, ce que vous voulez. Marc Chavez, donc sur les réseaux sociaux qui commencent par un T, parce qu'on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de dire aussi, le nom. Mais nous, le CSA, il a restreint ça. Il y a tout le monde qui dit Twitter, Facebook maintenant. Sur... Ouais, mais de toute façon, nous, on est amateurs. De toute façon, on est amateurs, donc le CSA, je lui dis. Et puis c'est juste qu'il paye les amendes, donc il n'y a pas de soucis. Ouais, non, moi je paye les amendes de 0 euros. Que ça. Attends, si vous avez d'autres trucs qui vous passent par la tête. Non, enfin, pas spécialement. Spécialement. Peut-être nous faire un petit coucou sur NT1 ou sur Eurosport 2. Ouais, pourquoi pas, tiens. La prochaine. Ben voilà. Écoute, Marc, merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Bah, il n'y a pas de souci. Plaisir est pour moi. On essaiera de se refaire ça, mais vraiment plus longtemps, avec un débrief, pourquoi pas, d'un pay-per-view, comme on fait d'habitude. Ouais. C'est un spécial. D'ailleurs, tout à l'heure, nous reviendrons sur la preview de SummerSlam, comme promis. Et bien évidemment, on reparlera de Tom Laroufa et de Luca Di Leo à la WWE, ce qui est quand même assez énorme, avec les autres chroniqueurs qui reviendront, c'est-à-dire Tifo, MP en plus, et Sébastien qui nous rejoindra sur à la voix. Et Kevin, s'il retrouve un micro, s'il est disponible, il peut revenir quand il veut, il n'est pas viré du tout. Hein. Tu manques. Je vous manque, je sais. Tu vois, tu me laisses avec Vincent, quoi, et avec Sébastien. T'as vu comme t'es. Et voilà. En tout cas, merci Marc. Bah, merci messieurs, et à très bientôt. Bonne continuation.